des oiseaux qui ne volent pas. Regarde cet oiseau. Cet oiseau ne peut pas voler. Un ému. Regarde cet oiseau. Cet oiseau ne peut pas voler. Un casoir. Regarde cet oiseau. Cet oiseau ne peut pas voler. Un cacapou. Regarde cet oiseau. Cet oiseau ne peut pas voler. Un kiwi. Regarde cet oiseau. Cet oiseau ne peut pas voler. Une autruche. Regarde cet oiseau. Cet oiseau peut nager. Un pingouin.